Aujourd'hui je tiens le mur. Garde ta pudeur, ta beauté, tes secrets, n'envoie pas des nudes. T'as trop tendance à faire parler nouvelles maladies via l'animal à chat et nu. La science exacte fait des zigzags, ils m'ont fait croire qu'ils veulent mon bien, ils visent la paix. Ils aiment bien quand on dévisage, quand la vérité éclate, ils étouffent l'affaire. Des gosses volatiles, ils ont dit relativise, ils font le monde avec l'acrylique. Le peuple divisant de la vie est un jeu sans aucun boss, personne ne l'a fini. Si Dieu existe et que Dieu est le tout, c'est qu'on a une part de Dieu en nous. On parle tous d'amour qu'on a très peu en nous, tes enfants des saints qu'on a dû changer en loup. Juste un dernier vœu. Juste un dernier vœu. Jamais. C'est des vautours, c'est pas des fous. Suis-je en vie, chante pas mon pot. Je n'ai rien vu, je fais pas le show. J'aime bien lorsque vous me parlez de vous. C'est des vautours, c'est pas des fous. Suis-je en vie, chante pas mon pot. Je n'ai rien vu, je fais pas le show. J'aime bien lorsque vous me parlez de vous. La voix d'un ange dans le corps du diable, suivi par des démons qui ne sont pas soignés. Au milieu de la mer, t'auras pas de voilier. Sur les portes de l'enfer, il n'y a pas de poignée. Si tu crois fort, imagine l'homme immortel. La fin du cycle, il est mortel. Je suis ma loi, je suis mon cortège. Je suis dans ma bulle, dans mon vortex. Je suis dans l'impasse, dans un cul-de-sac. L'un des derniers, l'un des plus stables. Dans mon désert, je ne vois plus de sable. L'être humain, comment j'ai dû que ça. Ça s'entretue pour du business, un peu de paperasse dans les sacoches. La scène de crime qu'on laissera propre, ton pire ennemi qui restera proche. Crée l'anarchie, je fais une syncope. J'suis dans la tour de contrôle comme le supérieur d'un président. J'vois la terre qui brûle, j'ai la peau d'un de ces mecs déclassés sous la neige. L'être humain ne me mérite plus. J'me crache comme ce monde parallèle dans lequel on vit sous les caprices d'une colombe. En une journée, j'trouve déjà que le temps est trop long. C'est des vautours, c'est pas des fous. Suis-je en vie, chante pas mon pot. Je n'ai rien vu, j'fais pas le show. J'aime bien lorsque vous me parlez de vous. C'est des vautours, c'est pas des fous. Suis-je en vie, chante pas mon pot. Je n'ai rien vu, j'fais pas le show. J'aime bien lorsque vous me parlez de vous.